la vôtre, c'est de la vôtre. On pourrait croire que j'aime ça, mais je veux seulement qu'on s'occupe de moi. Si je suis mignon, c'est pas ma faute, et si je suis con, c'est de la vôtre, c'est de la vôtre. Si je miaule toute la journée, c'est juste pour me faire remarquer. Je vois pas à quoi ça me servirait, je n'ai pas non plus d'utilité. Je connais très bien mes petits noms, casse-toi Minou ou bien Poupon. Mais quand on m'appelle, je ne bouge pas, et je pense plutôt t'as qu'à dire toi. On pourrait croire que j'aime ça, mais je veux seulement qu'on s'occupe de moi. Si je suis mignon, c'est pas ma faute, et si je suis con, c'est de la vôtre, c'est de la vôtre. On pourrait croire que j'aime ça, mais je veux seulement qu'on s'occupe de moi. Si je suis mignon, c'est pas ma faute, et si je suis con, c'est de la vôtre, c'est de la vôtre. Alors quand vient la nuit, que tous les chats sont gris, je mets mon petit habit de chasseur de souris. Et quand j'ai trouvé une belle proie, dégoulinante, agonisante dans son sang, illico, je la ramène chez moi, et je l'étale sur le divan. J'aime ça, mais je veux seulement qu'on s'occupe de moi. Si je suis mignon, c'est pas ma faute, et si je suis con, c'est de la vôtre, c'est de la vôtre. On pourrait croire que j'aime ça, mais je veux seulement qu'on s'occupe de moi. Si je suis mignon, c'est pas ma faute, et si je suis con, c'est de la vôtre, c'est de la vôtre.